Toujours en Corée, la centrale de la jeunesse de Fungzhou numéro 3 vient d'être construite à la province du Zagan. La nouvelle centrale de forte capacité permettra de satisfaire mieux aux besoins d'électricité de la ville de Kangé et de contribuer au développement économique et à l'amélioration de la vie des habitants de la province. La cérémonie d'inauguration a eu lieu le 8.